Amir. Enos. Jizo. Maweza kaka mawa. Eye bipete kopona. Maître Guy la baleine. Motema ya mwana moketo mokolo. Ted Tendai la main qui donne. Maweza kaka mawa. Eye bipete kopona. Motema ya mwana moketo mokolo. Dada Francine Muyumba. Nyoso zo nyoko ma. Nasili maele. Ongayo. Maître Tete Kabwe, Jean-Luc Demba. Miro yo, ekaboli bolingo yangana yo. Na yebite nani atongie. OLK, Initiative Plus. Miro yo, ekaboli bolingo yangana yo. Na yebite nani atongie. La lettre Z, président du Shark Club. Zoli nanga ezo mona na te. Pona zole la na se envula. Quelle confusion. Jessica Bassele, Tata Oscar. Pinzoli nanga ezo mona na te. Pona zole la na se envula. Je suis perdu. Jores Chibala, Ndomboli no leader, Sango Yangoyo. Kozanga. Eme Motombo. Goli. Force de Fukushima. Oyo ya suwe ya vinanga. Gimax Nami directeur Arsène Amani. Kozanga. Jeune talent congolais. Bolingo. D143. Oyo na chela kimotema. Nami lela eh. Patrick Colombe. Docteur Jeff Njadi l'été tadon de Dieu. Justin Moussanga Nyasa Mille Saint. Général Delphin Kayimbi. Patrick Mugnomo. Afro Congo. La haute gamme Elga Elegance. Mimi la Jimène. Isaac Mai Toto Weekend viennent en Bafilo. Kilo Bunda. Axel Munzola, Tony Senga, talent de Kin. Jamal Tabou, Didier Cherise. Jonathan Bilari, Kaiser El Lab. Zamba Zangi Nyama. Reviens à moi. Maye Zangi Mbisi. Reviens à moi. Mokile Zangi Moto. Maître Dozenika. Gana Zangi Amour Nanga. Reviens à moi. Narcisse Baya Nana Boduga. Sala Nombangu Okutanga. Wilika Yemi. Nasa d'urgence. Nakoti Nakoma. Nazana Posa Olo Belanga Jeteme. Chérie. Yeah, yeah, yeah, yeah. DG à l'heure au Guiza, Marcel Ganza Albertine, ma gloire par le coup. Chérie, Jean-Marc Matouagi, DJ Daddy. I'm seeking you my medicine. Give me my special treat. Moukoubois Pierre. Baby, just a little kiss. So my heart can live in peace. Reviens à moi. Baby, I'm your number one lover. Reviens à my moi. My love for you. King Jonathan, I need you, girl. Can you come over? Reviens à I moi. I want us back together. Diamant noir design. Sala Nombangu, Okutanga. Directeur Maga. Na salle d'urgence, na koti na koma. Na zana posa, opesanga ba bisou. Chérie, yeah, yeah, yeah, yeah. Bisou. Chérie, plus. Dobiné. Achille Baloube, HB4K. Papi Moma, Motema Yamani Lola. Raoul Machupe, Dimoda Fashions. Eric Moussanganya, Eli Moussanganya. Koni Tourena Abidjan, Yves Dembela. Ange Mandrier, Booking Prod. Gypsy Matai, Karine Mokonzi, Evelyne Camo Lopez. Marie-Laure, Village Molokai. Les compétents Yves Mouyumba. Fiston Saïsaï, Phénomène Sobe. Dauphin Boulamatadi. Vu de loin.